J'aime les courbes de tes jambes. J'aime quand tu les croises dans mon dos. J'aime quand ta bouche murmure dans un souffle que tu es heureuse. Quand j'investis ton ventre, quand je visite tes entrailles, comme elles sont belles. Elles sont humides et chaudes, comme une pluie d'été. Elles sont douce et lisse, et je glisse. Elles sont toutes mes pensées de la journée. Elles sont tous mes plaisirs de la nuit. Quand je suis seul et plein d'ennui, je rêve que je m'y réfugie. Un avant-goût du paradis.